بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا أمس حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Nous avons vu le hadith hier de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer par le côté droit lorsqu'il se chaussait, se coiffait, se purifiait dans toutes ces situations sallallahu alayhi wa sallam. وهناك بعض المسائل متعلقة بهذا الحديث سنذكر بعضها إن شاء الله. Il y a plusieurs sujets qui sont liés à ce hadith. Nous allons juste en citer certains sujets avant de passer au hadith suivant إن شاء الله تعالى. فأولا في من يستاك هل يبدأ بيمينه أو بيمين فيه أو بالشمال. Premièrement, concernant la personne qui utilise le siwak, est-ce qu'il commence avec avec le côté droit de sa bouche ou le côté gauche? Les savants ont donc posé cette question lorsque tu utilises le siwak. Fa'ajabu faqalu yabda'u bil yamin. Ils ont commencé en disant que la personne commence par le côté droit de sa bouche lorsqu'elle utilise le siwak. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها لطهوره. Et cela en suivant la parole de عائشة رضي الله عنها lorsqu'elle dit pour sa purification. Ainsi que sa parole ولشأنه كله. Ainsi que sa parole dans toutes ces situations au prophète صلى الله عليه وسلم, il aimait commencer par le côté droit. وهذا الذي قاله العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى. Donc cette parole a été citée par l'érudit Ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Wa hunaka tanbih ala anna ba'd al-ulama dhakaru al-qiyas bi ma nastamiluhu al-yawm. Il y a certains savants qui ont cité donc la comparaison avec ce qui est utilisé aujourd'hui, les brosses à dents. Aussi la personne elle commence par le côté droit. لكن هناك سؤال آخر وهو بأي يد يمسك هذا السواك. Il y a une autre question qui se pose, c'est avec quelle main la personne va tenir le siwak. ففي هذا اختلف العلماء. Et donc sur ce sujet les savants ont divergé. فقال الطائفة إنه يمسك بالشمال مطلقا. Certains savants, ils ont dit que la personne, elle va tenir son siwak avec sa main gauche. Dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Pourquoi ? Pour aller du côté droit. Non, pas pour aller du côté droit. Pour enlever les impuretés. Et donc, la personne, elle va utiliser son siwak tout le temps. Pourquoi ? Parce que le siwak, on l'utilise pour enlever les impuretés de la bouche. Et certains ont comparé, donc, les siwak avec les pierres qui peuvent être utilisées pour nettoyer les parties. وَقَالَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى يُمْسِكُ السِّوَاكُ بِالْيَمِينِ مُطْلَقًا. D'autres savants ont dit qu'il utilise la main droite, il utilise le siwak avec la main droite, tout le temps. Pourquoi ? Comment c'est chaque action par le côté droit ? Voilà, le côté droit, pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer toute chose avec le côté droit. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah fassal. Cheikh al-Islam il a donc détaillé. Il a dit لو كان الإنسان يقصد بذلك العبادة فيمسك السواك باليمين ولو كان يقصد بذلك تنظيف الفم فالشمال. Cheikh al-Islam il dit que si la personne elle voulait commencer, elle voulait par cela, excusez-moi, accomplir un acte d'adoration, c'est-à-dire que tu utilises le siwak pour, par sunna, pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'utilise le siwak pendant mes ablutions, j'utilise le siwak avant la salat, j'utilise le siwak quand je rentre chez moi. Pour suivre la sunna, j'utilise le siwak. Ibadatan, adoration. Alors à ce moment-là, tu le tiens avec ta main droite. Mais lorsque tu l'utilises parce que tu veux te purifier la bouche, alors à ce moment-là, tu le tiens avec ta main gauche. Le détail qu'il a donné chez Khulistam Utemiya, il est quand même, l'avis, cet avis, il est quand même fort, montrant donc que la personne, si elle veut faire un acte d'adoration, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle utilise sa main droite. Si elle veut se nettoyer la bouche, elle utilise sa main gauche. Wa ala kullin, fal ulama ikhtalafu fi hadhi al-mas'ala kama dhakarnahu sabiqan bil ams fi mas'alat ukhra. الاختلاف في هذه المسألة اختلاف في الأفضلية لا في الجواز. Et dans tous les cas, les savants, ils ont divergé dans ce sujet. La divergence, c'est une divergence liée à ce qui est meilleur. Mais ce n'est pas lié à est-ce que c'est légiféré ou pas. Donc dans tous les cas, tu vas utiliser ton siwak avec ta main gauche ou ta main droite, c'est légiféré. Mais maintenant, est-ce que c'est meilleur de l'utiliser avec la main droite ou gauche? Ça, c'est autre chose. Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, après cela, on a le dernier hadith de ce chapitre, avant d'aborder le prochain chapitre, Inch'Allah ta'ala. Le hadith numéro 11, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, inna ummati yuda'una yawm al-qiyamati ghurra, muhajjalina min athari al-wudu. فَمَنْ إِسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُتِلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Donc selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes ma communauté seront appelées au jour du jugement avec des blancheurs au visage, ghurra, muhajjalin, ainsi que des blancheurs aux membres, par les traces dues aux ablutions, excusez-moi. Donc ces blancheurs qui seront dues aux ablutions. Celui d'entre vous qui peut prolonger et rallonger ses blancheurs, alors qu'il le fasse. Wani Muslim, et dans une narration citée par l'imam Muslim dans son recueil, Ra'aytu Abu Hurairah radiyallahu an yatawadda. J'ai vu Abu Hurairah radiyallahu an qui faisait ses ablutions. Farasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablugha al-mankibayn. Et donc Abu Hurairah, il a lavé son visage et ses deux mains jusqu'à ce qu'il a presque atteint les épaules. Donc il a lavé ses deux mains, oui, jusqu'à ce qu'il a presque atteint les épaules. On verra, de toute façon, on a déjà abordé cette divergence. D'ailleurs, révision, tiens. On avait vu quoi par rapport aux coudes? Il faut inclure les coudes. Il faut inclure les coudes. Et c'est l'avis de qui? C'est l'avis. Hein? C'est plus difficile ça. Alors c'est l'avis de qui ça? Al-Hanabi. Al-Hanabi là? Al-Hanafiya. Al-Hanafiya? Je pense. Lequel? Al-Hanabi là. Al-Hanabi là. Je pense que c'est Al-Hanafi. Et Al-Hanaf aussi? Je pense. Ok. Et Malik et Shafi'i, ils ont dit quoi? Pas besoin de dépasser le... Ils ont dit on lave pas le coude. Ouais, ok? Et donc, l'A'imma al-Arba'a, ils ont dit on lave le coude. L'A'imma al-Arba'a, ils ont dit qu'on lave le coude. Al-Zahiriya, ils ont dit qu'on ne lave pas le coude. Après, les Messaïs, à force de les réviser comme ça, après, ça reste, Inch'Allah ta'ala. Et donc, on revient à notre hadith. Et donc, Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui a fait ses ablutions, il a lavé son bras jusqu'à presque atteindre l'épaule. Thumma rasala rijlihi hatta rafa'a ila saqayn. Et ensuite, il a lavé ses deux pieds jusqu'à ce qu'il lève encore, qu'il lève ses mains jusqu'aux jambes. Puis, il a dit Samiatu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Puis ensuite, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna ummati yuda'una yawm al-qiyamati ghurra. Le hadith, certes, ma communauté seront appelées au jour du jugement ghurra, avec la blancheur. Dans une autre version, celui qui voit Abu Hurairah faire ses ablutions, qui, comme cela, lui dit, « Ya Abu Huraira, ma hadha al-wudu ?»« Oh Abu Huraira, quelle est cette façon de faire des ablutions ?» Et donc, on comprend que les gens, à cette époque, les gens ne connaissaient pas, ne faisaient pas leurs ablutions comme cela, comme il faisait Abu Hurairata radiallahu anhu. Et donc, cette façon de faire les ablutions n'était pas répandue. De la même façon à notre époque aussi. Cette façon n'est pas répandue. C'est pour ça que Cheikh Ibrahim, quand il a entendu ça, il a ouvert les yeux. Il a dit, Masha'Allah. Et donc, on va voir cela, Inch'Allah ta'ala, peut-être pas aujourd'hui, mais bi'idhnillah, demain, on abordera ce sujet. Femel Mourad bil Umma. Qu'est-ce qui est voulu par El Umma, la communauté? Ma communauté sera appelée au jour du jugement, ma communauté viendra au jour du jugement. El Mourad bil Umma fil Hadith. Aï Ummatul Ijaba. Alladhi nastajabu lid Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce qui est voulu par la communauté, c'est la communauté qui a répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن الأمة أمتين parce qu'il y a deux types de communautés. Il y a deux types de communautés, lesquelles? أمة الدعوة. بارك الله فيكم ما شاء الله. أمة الدعوة و أمة الإجابة. أمة الدعوة c'est tout le monde. El kul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la da'wa à tout le monde. Juifs, chrétiens, tout le monde doit répondre à son appel. Mais Ummatul Ijaba, alladhi nastajabu lahu, ceux qui ont répondu à son appel, les musulmans. Les musulmans. Mais attention, on ne fait pas comme les takfiris. Les takfiris, quand ils sont entre eux, ils s'appellent. Ils s'appellent l'Umma. Ils s'appellent la Umma. Parce que pour eux, nous, on n'est pas des musulmans, on n'a pas répondu à l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils sont 2, 3, 4 dans une ville, l'Umma. C'est eux. Et donc, par rapport à cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. » Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Vous appelez au bien, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah. Hussein, ça c'est quelle umma, c'est quelle communauté qui est voulue? Vous êtes la meilleure communauté. Là, c'est laquelle? Dara ou Ijaba? Ijaba. Et donc, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel. Vous êtes la meilleure des communautés. Ce sont ceux qui ont répondu à l'appel. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, « Walladhi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi l'umma, yahoudiyun wala nasraniyun, thumma yamutu walam yu'min bih illa kana min ahlin nar. » Par celui dont mon âme est entre ses mains. Aucun de cette communauté, parmi les juifs et chrétiens, n'entend parler de moi, puis meurt sans avoir répondu à mon appel, sans faire partie des gens de l'enfer. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par cette communauté ici? Ici, c'est quelle communauté? Hein? Ummatul da'wa ou wesh? Ummatul da'wa. L'umma, le murad bid da'wa huna, l'umma, hum ummatul da'wa. L'anna ummatul da'wa tachmelu l'kuffar ou aghayr l'kuffar. Et donc la umma da'wa, la umma, ceux qui sont appelés à l'islam, elle englobe les musulmans et aussi les non-musulmans, parce qu'ils ont tous été appelés à l'islam. Donc, quand vous voyez les textes, le mot umma dans les textes religieux, déjà, le mot « Ummah » en lui-même, il a plusieurs significations. Parfois, c'est « exemple ». Un exemple. « Inna Ibrahim akana ummatan » Certes, Ibrahim était un exemple à suivre, un imam. Et parfois, donc, on a le mot « Ummah » qui vient avec cette signification. Et quand il a la signification d'une communauté, on a deux communautés. Donc, on fait la distinction. « Barakallahu fikoum. » « Fa ummatu Muhammad alladhi nastajabu lahu » يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُدُو. Et donc la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont répondu à son appel, ils viendront au jour du jugement غُرَّا. غُرَّان, ce qui est voulu par ce mot, بَيَادٌ فِي جَبْهَةِ الْحِسَنِ أو الْفَرَسِ. C'est une couleur blanche qu'il y a dans le visage du cheval. والمراد هنا بياض ونور في وجوه المؤمنين. Ce qui est voulu ici, c'est que au jour du jugement, les croyants, ils auront donc une blancheur et une lumière dans leur visage. Muhajjalin. Muhajjalin, c'est bayadun fi kawaim al-faras. Ce qui est voulu à la base par al-tahjil, c'est une blancheur dans les pattes du cheval. Mais ici, walakin hun al-murad, bayadun wa nurun fi aidi wa arjuli al-mu'minin. Ce qui est voulu par là, ça sera donc une blancheur et une lumière au niveau des mains et des pieds des croyants. Et donc les croyants, ils auront donc cette lumière et cette blancheur sur leur visage, leurs mains et leurs pieds au jour du jugement. Et ça, c'est spécifique à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les ablutions sont spécifiques à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hal al-wudu khass bi hadhihi al-umma bi ummati Muhammad? Non? On avait déjà abordé une fois une histoire d'un homme qui avait été accusé d'avoir forniqué. Rappelez-vous, sa mère, elle lui a dit, Ya Jurej, Ya Jurej, il priait, Ummi as-salat, Ummi as-salat. Après, elle a dit quoi, sa mère? Au bout de la troisième fois, elle a dit quoi? Elle a invoqué, elle a fait quelle invocation? Qui verrait pas le, qui partirait pas selon sans avoir vu les prostituées. Naam. Ma amataka Allah hatta tara wujuh al-mumisat. Qu'Allah ne te fasse pas mourir avant de voir les visages des prostituées. Et donc il a été accusé injustement d'avoir forniqué avec une prostituée. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'y aller, il a fait ses ablutions. Lorsqu'il a été appelé pour aller voir le Malik, le gouverneur, avant d'y aller, il a fait ses ablutions. Et ensuite, il est allé, il a parlé à l'enfant. Il lui a demandé, Men Abou, qui est ton père? Et l'enfant l'a innocenté. Le nouveau-né l'a innocenté. On avait vu cette histoire. Et aussi, Jaa kadhalika an Sarah. Ça a été aussi rapporté de Sarah, qui était... Hein? Zawjat men? La femme d'Ibrahim, alayhi salam. Lorsque El Malik, il voulait lui faire du tort. Kana yuridu an yusibaha bishar. Fatawadda'at. Famastata'a an yusibaha bishay. Et donc elle a fait ses ablutions, il n'a donc pas réussi à lui faire quoi que ce soit. Wa hadha kadhalika yadulluna ya ayyuhal ikhwa ala fadli al-wudu. ونحن إن شاء الله تعالى من غد سنتأمل في هذا الحديث الذي هو آخر حديث الباب ثم ننطلق إلى الباب الآخر نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا